Eh bien bonjour à tous, Jérôme aux commandes de ce numéro de la boîte à BO. Oui, chaque semaine l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales en compagnie toujours de la fidèle Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Eh bien aujourd'hui nous allons consacrer l'émission à des films dont la musique a été composée par James Horner. Alors James Horner était un compositeur américain né en 1953. Il compte à son actif plus de 150 musiques de films, mais il est malheureusement décédé en 2015 à l'âge de 61 ans lors du crash de son avion. Eh bien, retrouvons-nous dans quelques instants pour ces bandes originales de films avec cette émission consacrée à James Horner. Alors le premier film que nous allons vous présenter est le film Le Glory, sorti en 1989 et réalisé par Edward Zwick. La guerre de sécession ravage donc l'Amérique et tourne à l'avantage du Sud. Lincoln proclame l'émancipation officielle des Noirs et décide que les volontaires noirs pourront s'engager sous les ordres d'officiers blancs. Un régiment de volontaires noirs est alors créé et le jeune Robert Gould Shaw est nommé colonel de ces soldats méprisés. Les volontaires sont nombreux et parmi eux un ami de Shaw et Tripp, une tête brûlée qui refuse l'autorité. En s'engageant, ces hommes veulent enfin conquérir une dignité qu'ils n'ont jamais connue. Alors ce film a été récompensé par plusieurs Oscars, meilleur acteur pour Denzel Washington, meilleure photographie, meilleur son. Et première collaboration entre Edward Zwick et James Horner, Glory reste à ce jour majeure dans la carrière du compositeur qui se trouve à ce moment-là à une période charnière entre son ancien style et cette nouvelle période des années 90 qui allait lui permettre de mûrir son style d'écriture orchestrale pour aller vers des œuvres donc symphoniques. Et bien, je vous propose donc tout de suite de retrouver un extrait de la bande originale de ce film Glory. Oh. terminions avec Légende d'automne, un film également réalisé par Edward Zwick en 1994 avec Brad Pitt, Anthony Hopkins et Eden Quinn. Alors, Edward Zwick réunit dans ce film de très bons acteurs pour nous dépeindre une Amérique face à ses propres contradictions au travers des déchirements d'une famille, un père ancien militaire et ses trois fils complémentaires chamboulés par l'arrivée d'une femme. Alors, le tournage qui a duré plus de 3 mois s'est déroulé dans le Montana, puis dans la réserve indienne de Stoney en Alberta au Canada. Les paysages magnifiques et envoûtants ont permis au film de décrocher l'Oscar de la meilleure photographie. La musique de ce film, signée bien entendu James Horner, est tout simplement magnifique. Donc écoutons sans plus attendre le thème principal du film « Légende d'automne ». Thank you. Voilà, c'est donc vous êtes bien sur la boîte à BO sur Radio Fadjet et nous consacrons cette émission donc aux musiques de films de James Horner. Alors donc un an après donc Légende d'automne, eh bien en 1995, Mel Gibson fait appel à James Horner pour son film Braveheart et Mel Gibson tient le rôle principal aux côtés de Sophie Marceau. Alors le film raconte de manière romancée la fille de William Wallace, héros et symbole de l'indépendance écossaise, qui à la fin du XVIIIe siècle affronta à la tête des clans écossais unis les troupes du roi Édouard Ier d'Angleterre qui tentait d'envahir l'Écosse. Durant le tournage, l'équipe passe 6 semaines en Écosse alors que les principales scènes de bataille sont tournées en Irlande avec la participation de membres de la réserve de l'armée irlandaise auxquels il était accordé exceptionnellement le droit de se faire pousser la barbe. Pour minorer les coûts, Mel Gibson utilise les mêmes figurants pour jouer les soldats des deux camps. Le nombre de figurants monte jusqu'à 1600 pour certaines scènes. Alors le film a eu de multiples récompenses et entre autres l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure photographie. La bande originale de Braveheart est composée et dirigée donc par James Horner et interprétée par l'Orchestre symphonique de Londres. Écoutons l'un des morceaux, For the Love of a Princess. C'est donc tout de suite la bande originale donc du film Braveheart. Alors passons maintenant à un film avec une ambiance totalement différente, Un homme d'exception, réalisé en 2002 par Ron Howard avec Russell Crowe, Ed Harris et Jennifer Connelly. Un homme d'exception se base sur la vie de John Forbes Nash Jr., brillant mathématicien, ancien élève de la très prestigieuse école de Princeton, inventeur de la théorie des jeux. Alors engagé en pleine guerre froide pour déchiffrer d'éventuels messages codés russes dans la presse, John Forbes Nash Jr. vivra sa mission trop intensément et est interné au bout de quelques années atteint de schizophrénie paranoïde. En 1994, pourtant, il est le lauréat du prix Nobel en sciences économiques. Ce film a reçu également de multiples récompenses, Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur. Jennifer Connelly a été primée pour le meilleur second rôle à la fois aux Oscars et au BAFTA, et Russell Crowe a reçu le BAFTA du meilleur acteur. Donc écoutons maintenant un extrait de la BO de ce film, écrit toujours par James Horner. Voilà, c'était donc la musique du film, donc Un homme d'exception. Et continuons avec Apollo 13, toujours réalisé par le même Ron Howard, sorti en 1995. Alors ce film retrace l'histoire de la 7e mission spatiale habitée américaine vers la Lune. Deux jours après un décollage réussi, un astronaute alerte le centre de commande de la NASA en raison d'une explosion à bord. La perte d'alimentation en électricité provoquée par l'avarie va alors donc obliger les astronautes à couper tous les appareils non indispensables d'abord, les laissant ainsi sans aide pour le guidage de leur engin lors du retour sur la Terre. La phrase de l'astronaute Jim Lowell, donc, qui donc, est interprété par Tom Hanks, « Houston, we have a problem », en français « Houston, on a un problème », est devenue, après la sortie donc, du film, une réplique culte. Mais elle n'a pas été prononcée dans la réalité, puisque Jim Lowell avait dit « Houston, nous avons eu un problème ». C'est donc pour dramatiser la situation que le scénariste a choisi de mettre la phrase au présent. Alors pour ce film, James Horner avait été nommé pour l'Oscar de la meilleure musique, mais il ne l'a pas obtenu donc cette récompense. Écoutons tout de suite le thème principal du film Apollo 13. Avec Titanic, réalisé par James Cameron et sorti en 1997. Alors Titanic fut un véritable raz-de-marée lors de sa sortie en battant les records d'entrée dans plus de 50 pays. Il est actuellement troisième au box-office mondial, le premier étant Avatar, réalisé également par James Cameron et dont la musique a aussi été écrite par James Horner. Et le deuxième est Avengers Endgame, sorti en 2019. La bande originale du film est devenue la bande originale orchestrale la plus vendue de tous les temps. Elle comprend notamment la prestation de la chanteuse américaine Céline Dion, My Heart Will Go On. La chanson, qui est un succès, était en réalité une bande-son d'essai. C'est un succès mondial qui est resté 16 semaines à la première place des ventes aux États-Unis et s'est vendu à 11 millions d'exemplaires. Alors James Cameron ne voulait pas de chanson pour son film. C'est donc secrètement que James Horner a demandé à Céline Dion de participer à des enregistrements dont le résultat a finalement convaincu le réalisateur pour le générique du film. La chanson est récompensée par un Oscar et est un succès mondial. Mais nous n'allons pas écouter Céline Dion, mais The Portrait, une sublime version pianistique de la chanson. Thank you.